Chapitre 14e. Il est 8 heures du soir, Wolfram et Sylvie attendent, dans l'un des salons du rez-de-chaussée de leur hôtel, les locataires invités à la soirée. Le jeune homme disait à sa compagne « Le hasard nous a servi à souhait pour notre épreuve, ma Sylvia bien-aimée. Ce que je sais déjà de quelques habitants de cette maison est d'un bon augure pour ta guérison. Elle sera complète. Je te l'ai promis, il y a un an, je tiendrai ma promesse. Mais il faut attendre à de grands étonnements. Tu rencontreras des apparences aussi séduisantes que les réalités qu'elles cachent sont horribles, et des réalités aussi adorables, aussi sublimées que leur apparence sera incolore ou repoussante. Il te faudra du courage, Sylvia, beaucoup de courage. » « J'en aurai, Wolfram. Cette année passée, dans notre solitude bénie, tes paroles, ton exemple, m'ont réconforté. Tu ne me verras pas défaillir. Je poursuivrai l'épreuve jusqu'à la fin. » Si tes espérances te trompent, si le triomphe du mal et de l'iniquité en ce monde m'est une fois de plus démontré, je... » L'un des valets de chambre de service dans une pièce d'attente annonce en ce moment à haute voix « Monsieur Dubousquet ». Wolfram s'empresse d'aller au-devant de Monsieur Dubousquet, de noir vêtu et cravaté de blanc. Il semble plus timide, plus humble, plus craintif que jamais. Il est aisé de s'apercevoir qu'il se rend à l'invitation du propriétaire ainsi qu'il irait, comme l'on dit, au supplice. La sueur ruisselle de son front, et dès le seuil de la porte, il salue gauchement les maîtres de la maison, puis il s'arrête, n'osant dans son embarras croissant faire un pas de plus. Wolfram s'avance à sa rencontre et lui tendant la main. « Je vous sais gré, monsieur, d'avoir accepté de si bonne grâce l'invitation que nous avons eu l'honneur de vous adresser. « Monsieur, tout l'honneur est certainement de mon côté. » Balbutie Dubousquet, rougissant de confusion et se permettant à peine d'effleurer la main que lui tend Wolfram. Mais celui-ci, amenant son locataire près de la causeuse où est assise Sylvia, « Ma chère amie, je vous présente Monsieur Dubousquet. »« Madame, » dit Monsieur Dubousquet, saluant jusqu'à terre, complètement ahuri, « j'ai bien l'honneur de... Veuillez vous asseoir près de moi, Monsieur Dubousquet, » dit gracieusement Sylvia. « Donnez-moi des nouvelles de cet intelligent petit animal, fidèle compagnon de votre solitude. »« Comment, madame ?» balbutie M. Dubousquet, aussi surpris que touché de la bienveillance qu'une si belle dame lui témoigne, ainsi qu'à son chien. « Vous savez que... »« Nous savons même que ce barbe si intelligent s'appelle Bonhomme, » ajoute en souriant Wolfram. « Mais de grâce, prenez donc place à côté de madame. »« Monsieur, c'est en vérité pour vous obéir, » répond le pauvre homme, s'asseyant, timide et tremblant, sur l'extrême rebord de la causeuse où se tient Sylvia. « Madame et vous, monsieur, me comblez de bonté. »« S'il faut vous l'avouer, » reprend Sylvia, « ce que vous appelez nos bontés sont un peu intéressés. Madame, j'ai le plus grand désir de connaître Bonhomme, et il faudra que vous me l'ameniez. »« Madame, ah, madame !» répond Monsieur Dubousquet, si ému que, malgré lui, ses yeux deviennent légèrement humides. « Il serait possible ? Quoi, vous daigneriez ?» « Que voulez-vous, monsieur Dubousquet ?» dit Wolfram, debout derrière la causeuse et s'y accoudant. « Il est, selon moi, et madame est de cet avis, il est difficile de ne pas éprouver une sorte de sympathie pour une personne qui aime son chien, ce muet confident de nos joies ou de nos chagrins, qui semble, afin de les partager, épier un sourire sur nos lèvres ou une larme dans nos yeux. « Oh, monsieur, c'est bien vrai ce que vous dites là. C'est souvent pour le malheureux une grande consolation que d'avoir un chien. » répond monsieur Dubousquet, se sentant, malgré lui, de plus en plus à l'aise par le bon accueil et par l'affabilité de ses propriétaires, et surtout par leur manière d'apprécier les rapports de l'homme avec la race canine. Puis il ajoute avec une bonhomie touchante « Eh mon Dieu, un chien, c'est un ami qu'on laisse toujours triste quand on le quitte et que l'on retrouve toujours joyeux lorsqu'on le revoit. » « Je suis enchanté de vous entendre parler ainsi, monsieur, » reprend Sylvia. Car je me suis toujours révolté contre les incrédules qui n'accordaient aux chiens que des instincts et lui refusaient le raisonnement. Lui qui fait preuve d'une sagesse, d'une prévoyance souvent si rare parmi nous. Lui, ajoute en souriant la jeune femme, lui qui avait découvert par exemple la théorie des caisses d'épargne et la mettait en pratique bien avant qu'elles fussent inventées par les hommes, ces présomptueux, ces ingrats qui s'attribuent l'honneur et le mérite de ces fondations. Quoi, madame ? Vous inclineriez véritablement à croire que les chiens mettent à la caisse d'épargne ? Sylvia est très capable de vous prouver ce qu'elle avance là, mon cher monsieur Dubousquet. Sans doute, reprend la jeune femme, ainsi rien de plus simple en apparence que de voir un chien auquel nous donne un os aller l'enfouir. Bonhomme, lorsque j'habitais un petit appartement au rez-de-chaussée, m'a 100 fois rendu témoin de ce fait, s'écrie monsieur Dubousquet. de qui, presque à son insu, l'embarras s'efface de plus en plus. Sur deux os que je donnais à mon chien, il s'empressait toujours d'en aller enfouir un. Eh bien, voici le raisonnement de M. Bonhomme. Remarquez, admirez cet enchaînement d'idées, et dites s'il ne témoigne pas, non seulement d'une logique excellente, mais encore de l'un des dons les plus rares chez les hommes, l'esprit de prévoyance et d'épargne, reprend Sylvia. Si j'étais un glouton ou un prodigue, sans souci du lendemain, pense M. Bonhomme, je pourrais ronger ces deux os, mais qui sait si demain j'aurais pareille aubaine? C'est douteux. Le plus sage est de songer à l'avenir. Donc je vais mettre l'un de ces deux os en réserve. Mais où le placer? Le laisser exposer au regard, c'est risquer que quelques larrons me le dérobent. Il me faut alors déposer en un lieu sûr mon épargne, afin que nul ne la puisse découvrir. Et, se pensant, M. Bonhomme prend son os entre ses dents, s'en va d'un pas furtif, l'œil aux aguets, l'oreille aux écoutes, cherche, cherche, et cherche encore, avec examen, avec réflexion, en étudiant les localités, quelques coins où il puisse en sécurité enfouir sa provente du lendemain. En d'autres termes, je le répète, il met à la caisse d'épargne. « C'est évident, madame !» s'écrie M. Dubousquet, ravi d'aise. Ajoutez à cela, et je l'ai vu 20 fois, que le trou recouvert, Bonhomme tassait la terre du bout de son museau, afin qu'il fût impossible de découvrir à quel endroit le sol avait été fraîchement remué. « Et ce serait là un pur instinct ?» reprend Sylvia. « Non, non, c'est l'un des raisonnements les plus complets auxquels puisse s'élever l'entendement humain. » Aussi, les anciens se montraient-ils bien plus sagaces, ou plus équitables que nous au sujet du chien, ajoute Wolfram, se plaisant à caresser l'innocente passion de son locataire pour son barbet, et à dissiper ainsi le pénible embarras dont ce pauvre homme avait été navré à la seule pensée de cette soirée. Dans quelle haute estime les peuples de l'Antiquité tenaient le chien? Vraiment, monsieur? Dit M. Bousquet, de plus en plus intéressé. Excusez mon ignorance, mais je suis si heureux de vous entendre que je suis tout oreille. Ah, la belle chose que le savoir! Les Égyptiens attribuent au chien une essence supérieure et divine. Voyez-vous ça? Reprend M. Dubousquet ébahi. Eh bien, en somme, cela ne m'étonne point, monsieur. Xerxès comptait ses nombreux chiens de combat au nombre de ses troupes d'élite. Et cela, jamais ne passait à l'ennemi, ajoute Sylvia. Jamais de traître parmi eux. En est-il toujours ainsi parmi les hommes? Olaus Magnus, au XVIe siècle, a écrit l'histoire des plus célèbres chiens de la Finlande, poursuit Wolfram, et il existe à leur sujet d'héroïques légendes. Et ces héros, ignorant qu'ils auraient un jour leur nom dans l'histoire, ne se battaient ni pour obtenir des grades et des titres, ni même pour la fumée d'une vaine gloire, ajoute Sylvia, ils combattaient pour défendre leur maître. Ah, madame, excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis, dit M. Dubousquet, émerveillé. Je crains de devenir trop orgueilleux. Et pourquoi? Pas pour moi, répond M. Dubousquet, transporté, mais pour Bonhomme, en pensant qu'il pourrait revendiquer pour son espèce tant de fameux souvenirs. Et pourtant, je suis sûr qu'il n'en est pas plus fier, répond en souriant Wolfram. Je gage qu'il ne s'en fait pas valoir davantage. Ah, mon Dieu, non, la pauvre bête, répond naïvement M. Dubousquet. Puis, réfléchissant, mais monsieur, pour être aussi profondément versé dans l'histoire du chien, il faut que vous ayez eu la passion de ces animaux. Oui, parce que j'ai la passion de tout ce qui est bon et dévoué par excellence. Ah, monsieur, ce que vous dites là est plus vrai que vous ne le pensez peut-être, dit le locataire avec une sorte d'attendrissement mélancolique, car avec un bon chien et une bonne conscience, l'on peut... Mais s'interrompant, et semblant regretter d'avoir cédé à un épanchement qu'il ne s'expliquait pas, non plus que la confiance et l'attrait que lui inspiraient si promptement deux personnes qu'il voyait pour la première fois, M. Dubousquet rougit, baissa les yeux et balbutia. Du moins, certaines personnes affirment que, qu'avec un bon chien et une bonne conscience, l'on peut braver les faux jugements des hommes, reprend Wolfram. Ces personnes-là, M. Dubousquet, affirment une grande vérité, n'est-ce pas aussi votre avis? Certainement, monsieur, certainement, à la rigueur, cela est possible. Oh, ne craignez pas de contredire Wolfram. Nous sommes, vous n'en doutez plus, je l'espère, nous sommes de bonnes gens sans façon, ajoute Sylvia en souriant. Et avouez-le, vous n'aviez pas d'abord de nous cette opinion-là. Ah, madame. Voyons, soyez sincère. Wolfram et moi, nous prisons avant tout la franchise. Notre devise favorite est « sainte sincérité ». Eh bien, madame, je crois, Dieu me pardonne, que vous et M. Wolfram, à force de bonté, Vous m'avez parlé par respect, ensorcelé, mon Dieu, oui. J'étais entré ici si embarrassé, si confus, que j'avais la vue trouble, les oreilles me bourdonnaient, et maintenant mon embarras a disparu. Je vois très clairement cette jeune dame si belle et si bonne. J'entends non moins clairement ses bienveillantes paroles. Et les vôtres, monsieur Wolfgang. Ah, je vivrai 1000 ans, que lorsque je me rappellerai votre accueil, Eh, dame, je ferai comme à présent, ajoute monsieur du Bousquet d'une voix tendrie par les larmes, et portant ses mains à ses yeux. Je ne pourrai m'empêcher de pleurer de reconnaissance. Wolfgang et Sylvia se regardaient avec un silence expressif lorsque 3 jappements très distincts, mais assez lointains, retentirent dans l'une des pièces voisines. « Qu'entends-je ? » s'écrie M. Dubousquet en se levant et tressaillant. « C'est lui ? Et pourtant je l'ai enfermé. Comment sera-t-il sorti ? Il va venir ici tout compromettre l'imprudent. L'on m'accueillait si bien. » M. Wolfgang ne m'avait dit mot des plaintes portées contre nous par le locataire du second. Ah, mon Dieu, il nous perd !» M. Dubousquet, effaré, désolé, se lamentait ainsi, lorsque Bonhomme, à qui les domestiques venaient d'ouvrir la porte de la pièce voisine, parut au seuil du salon. Mais ayant conscience de sa venue indiscrète, il s'avança vers son maître en rampant comme pour implorer sa grâce, tandis que celui-ci lui dit d'une voix menaçante « Malheureux, qu'avez-vous fait ?» Et s'adressant à Wolfgang et à Sylvia, M. Dubousquet ajoute « Ah, madame, monsieur, que d'excuses, je suis désespéré. » « Et moi, je suis enchanté, » reprit Sylvia. « Je voulais que Bonhomme me fût présenté. Ne donne-t-il pas une nouvelle preuve de sa gentillesse en prévenant si à propos mes désirs ?» Puis, appelant le chien, qui à l'exclamation menaçante de son maître s'était arrêté, immobile, et couché au milieu du salon, la jeune dame ajoute « Viens, n'aie pas peur, viens, pauvre petite bête !» Le barbet, avant de se rendre à cet appel, interroge du regard son maître, qui lui dit de plus en plus confondu de l'indulgente bonté de Sylvia « Allez, allez, puisque madame daigne nous pardonner votre incartade !» Le chien s'avance, toujours rampant, jusqu'au pied de la jeune femme, où il se couche timidement, attachant sur elle ses grands yeux noirs et brillants. « Que d'intelligence !» disait Sylvia, caressant Bonhomme. « Que de pensée dans le regard !»« Ah, monsieur, je suis confus !» reprenait M. Dubousquet, s'adressant à Wolfgang. « Je devine maintenant comment le malheureux sera sorti, c'est à n'y pas croire. J'avais laissé ouverte la fenêtre de ma chambre où il était enfermé. Il sera sorti par cette croisée au-dessous de laquelle règne une corniche très étroite. Il aura gagné ainsi la croisée du palier, sans doute ouverte aussi. Puis, suivant ma trace, il sera venu jusqu'ici. Pardon, 1000 pardons pour lui et pour moi. Sa seule excuse est que depuis que je le possède, c'est la première fois qu'il me joue un pareil tour. « Pauvre animal, vous avez eu le courage de le gronder, » reprit Wolfgang en souriant. « Je serais presque tenté de vous faire une querelle de votre ingratitude envers lui. » À ce moment, le valet de chambre annonce « Monsieur et Madame Lambert. » Sylvia se lève, après avoir accordé une dernière caresse au barbet, qui revient se placer derrière les talons de son maître, et la jeune femme, ainsi que Wolfgang, font quelques pas au-devant de monsieur et madame Lambert. « Combien vous êtes aimable, madame, ainsi que monsieur Lambert, de vouloir bien nous sacrifier quelques instants de votre soirée, et d'avoir accepté notre invitation aussi cordialement que nous vous l'avons faite, » dit Sylvia. Puis elle ajoute, en indiquant du geste la causeuse à Francine, « Veuillez, madame, vous asseoir là, près de moi. » Madame Lambert, très timide et non moins frappée de l'éblouissante beauté de Sylvia que touchée de son gracieux accueil, rougit, répond de son mieux par une révérence et prend place à côté de la jeune femme, tandis que Wolfgang dit de son côté au libraire « Je vous sais d'autant plus de gré, monsieur, de l'honneur que vous voulez bien nous faire, que je n'ignore pas vos habitudes de studieuse solitude et… » Mais Wolfgang s'interrompt soudain, en voyant M. Dubousquet gagner la porte d'un pas discret, accompagné de Bonhomme, auquel il dit tout bas « Allons-nous-en. Nous pouvons nous vanter d'avoir été reçus ici comme nous ne l'avons été, comme nous ne le serons jamais nulle part, et nous ne l'oublierons pas, mon pauvre Bonhomme. »« Mon cher M. Dubousquet, où allez-vous donc ?» dit Wolfgang, en rejoignant son locataire, au moment où il atteignait le seuil du salon. « Vous ne songez pas à nous quitter déjà ?»« Monsieur, permettez… » « Nous ne souffrirons pas que vous en alliez si tôt. Mademoiselle Antonine Jourdan veut bien venir chanter ici ce soir, et vous serez charmé de l'entendre. Monsieur, je vous supplie de… »« Puis je désire vous présenter à M. Lambert, » ajoute Wolfgang, ramenant familièrement par le bras M. Dubousquet vers le milieu du salon et s'adressant au libraire. « M. Dubousquet, que vous n'ayez peut-être pas le plaisir de connaître personnellement, quoiqu'il soit un des locataires de la maison, veut déjà nous quitter. Vous vous joindrez à moi, n'est-ce pas, monsieur, pour le retenir ? Monsieur du Bousquet a, comme moi, des habitudes de retraite et le monde l'effarouche un peu. Je ne suis guère moins effarouché, répond en souriant le libraire, ressentant pour le solitaire du troisième étage une vague sympathie causée par sa physionomie timide et par son goût pour l'isolement. Si le monde fait peur à monsieur du Bousquet, nous nous réconforterons mutuellement ce soir et nous deviendrons plus braves. Fort de l'appui d'un pari allié, il y aura maintenant un signe couardise à fuir devant le danger, mon cher monsieur du Bousquet, reprend gaiement Wolfgang. Donc, vous nous restez. Monsieur, je suis on ne peut plus toucher de vos bontés et de celles de monsieur Lambert, mais il m'est impossible de rester. Il faut d'ailleurs que je reconduise mon chien et... Pas du tout. Bonhomme est trop bien élevé pour ne point se comporter parfaitement en bonne compagnie, et je vous suis garant qu'il ne joindra pas sa voix à celle de mademoiselle Antonine Jourdan lorsqu'elle voudra bien se faire entendre. Monsieur de Grâce, permettez. Je suis impitoyable. Tout ce que je puis vous concéder, c'est de vous autoriser à vous réfugier momentanément avec bonhomme dans cette bibliothèque dont la porte est ouverte. Vous trouverez là les journaux du soir et, par parenthèse, vous y lirez des faits fort intéressants relatifs à plusieurs locataires de la maison. Je reste donc, monsieur, puisque vous l'exigez absolument. Absolument. Bonhomme se tiendra tapis sous ma chaise. Personne ne se doutera qu'il est séant. Nous attendrons l'heure du concert dans la bibliothèque. Lorsque vous passerez devant ma boutique, mon cher voisin, ce qui vous arrive rarement, car vous ne sortez guère non plus que moi, ajoute le libraire, s'il vous plaît d'entrer un moment chez nous avec bonhomme, bien entendu, vous nous ferez plaisir à ma femme et à moi. Monsieur, certainement, une pareille offre m'honore infiniment, répond monsieur du Bousquet, pensant à part soi. Pourquoi donc tout le monde semble-t-il d'accord ce soir pour m'accueillir avec tant de bonté ? C'est extraordinaire ! Et saluant Wolfgang et M. Lambert, il ajoute « Je vais, puisque vous le permettez, me retirer dans la bibliothèque. Surtout, lisez les journaux du soir. Vous y trouverez, je le répète, des faits intéressants à propos de plusieurs de vos voisins, » dit M. Wolfgang à M. du Bousquet. Celui-ci, faisant un signe à bonhomme, entre avec lui dans la bibliothèque par l'une des portes latérales du salon.